Chapitre 61. Une Europe en reconstruction. L'équipe de France est prête à affronter, pour la première fois, l'équipe nationale de Jersey. En 2048, l'île anglo-normande avait obtenu sa licence e-sports fédération et a eu droit à son 11 national. Dans un élan d'élargissement du continent européen niveau football, la ISF a offert plusieurs licences ces dernières décennies. Jersey fait partie d'une liste où apparaissent également Guernesey, la Transnistrie, le Haut-Karabagh, le Vatican, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, le Pays Basque, l'île de Man, mais surtout la Principauté de Monaco. Les joueurs naturalisables ne sont pas nombreux, mais l'objectif était d'instaurer une multitude de micronations pour faire revenir le championnat d'Europe des nations. L'euro a disparu en 2032, après la 4e édition consécutive, se passant dans toute l'Europe. La configuration de l'Euro 2020, les matchs se jouaient partout en Europe, a été prolongée jusqu'en 2032. Mais l'intérêt du football européen ayant chuté, la eSports Fédération a décidé de mettre cette compétition en stand-by. En attendant une solution pérenne, six nations ont proposé un projet assez sympathique, commencé en 2037. En s'inspirant du rugby, les pays ont lancé un mini-tournoi fermé, se disputant tous les 2 ans, quand il n'y a pas de mondial. Le dernier tournoi destination s'est disputé entre la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et le Portugal. Cette édition de 2049 avait été remportée par l'Espagne. Petit changement pour 2051. Le Portugal ne pourra pas présenter d'équipe compétitive. Les Portugais seront remplacés par une nation qui sera élue par le public. Pour cette dernière place sont en lice la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, Monaco et le Pays Basque. Les réseaux sociaux vont trancher afin de savoir quelle sera la 6e nation. Quelle équipe participera à la 8e édition du tournoi Destination? Quelle nation pourra prétendre succéder au Royaume-Uni, vainqueur en 2037 et 2039? À l'Espagne, 2041, à l'Italie, 2043, à l'Allemagne, 2045, le Portugal, 2047 et l'Espagne, 2049. La France ne l'a jamais remporté. Autre particularité, aucun vainqueur n'a fait le grand chelem depuis le lancement du tournoi. En attendant ceci, la France peut confirmer sa bonne forme en faisant son premier match officiel, quelques mois après sa finale de Coupe du Monde sur Mars. Après une victoire face au Québec dans un match non officiel, la France va devoir confirmer au Stade de France contre Jersey. L'adversaire est peut-être à leur portée, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. 16 joueurs ont été sélectionnés, mais 3 ont été bloqués par leur employeur. Ceux qui fouleront la pelouse sont Faitson, Totov 76, Aldebi, Bella, Coca, Delpino 50, Dil 48, Gourou, Tots 511, Tommy 61, Weebox, Wolf 75 et Rubes. Chapitre 62. Des records. Les Bleus n'ont pas fait dans la demi-mesure face aux Jerseyais. Ils en ont profité pour déterrer certains records. Faitson a marqué un but dès la 31e seconde et devient le buteur le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. Le précédent record était détenu par Franck Sauzet, 34e seconde, lors d'un match contre l'Albanie, il y a 59 ans. En inscrivant 3 buts en 9 minutes, Totov 76 est devenu le joueur ayant marqué le triplé le plus rapide. Un record qui était vieux de 83 ans, détenu par Charlie Loubet. De plus, Tots 511 est devenu le premier Français à marquer un quintuplé sous le maillot bleu. Dernier record battu, l'équipe de France a gagné sa rencontre 13-0. Les Bleus ont anéanti le 10-0 acquis en 1995 contre l'Azerbaïdjan. Une chose est sûre, ces Bleus ont d'ores et déjà écrit l'histoire. Les différentes péripéties de Faitson ne l'ont pas perturbé durant le match international. Il a même été tranquille durant la rencontre. Aucun sifflet, aucune crise de paranoïa. Faitson est-il enfin débarrassé de ses détracteurs? On dirait que oui. De son côté, Totov 76 a montré au public qu'il a toujours le niveau, malgré sa non-titularisation avec les YNWA Reds. C'est justement à Glasgow que les deux Français vont s'envoler pour rejoindre l'Armada Rouge. Les deux joueurs sont convoqués pour le match contre le KAM City. Vont-ils être titulaires? Faitsen semble avoir de l'avance sur son compatriote, mais l'entraînera-t-il dans sa vague d'ondes positives? Arrivé à Glasgow, les deux Français découvrent une ville passionnée par les YNWA Reds. Ils sont accueillis par une petite foule de supporters. La moitié les suivra durant toute la tournée européenne. L'autre moitié est composée de fans locaux. Glasgow a été quelque peu dégoûté de ces deux franchises basées sur le championnat chinois. Depuis que la chaîne hôtelière Glen Eagles s'est emparée des Rangers et la banque écossaise HPOS du Celtic, l'esprit club a totalement disparu. Même si les résultats ne sont pas mauvais pour eux, les affiches sont belles, les supporters n'y retrouvent pas leur compte. Le stade ne fait pas de guichet fermé, même dans un match contre l'Intal Blaugrana Club ou encore le Raptor Lupa. Seul le derby fratricide remplit ce joli Celtic Park. Les Glaswegiens se sont tournés vers les YNWA Reds et pourront reprendre l'hymne commun de Liverpool et du Celtic, You'll Never Walk Alone. Ça fait des années que Liverpool et les YNWA Reds n'ont pas rendu de visite en Écosse. C'est un événement local, même si la franchise de Manchester, le KAM City, sera représentée en masse dans les tribunes, les YNWA Reds vont jouer à domicile. Faitsen va pouvoir communier de nouveau avec le public et Totov 76 se jettera dans l'arène. Le show va être sublimissime. Un match qui se jouera en prime time alors que les autres rencontres ont déjà eu lieu. L'Exur Bianconeri et le Bayern Commodore confirment leur suprématie en battant respectivement le Finoza Valencia et l'Ernik Spurs. Le King Club Uralkoli l'a emporté face à l'Unalti Kulübü. En cas de victoire, les NYWA Reds rejoindraient leur adversaire du jour sur le podium avec au total 5 succès, à 3 points des leaders. Si le KAM City l'emporte, la franchise resterait à 2 longueurs des titans. Chapitre 63, charmante retrouvaille. Soyez les bienvenus ce 15 mai 2050 à Glasgow pour une rencontre de la Japan Masters League entre le KAM City et les YNWA Reds. Faitsen sera titulaire pour la première fois alors que Totov 76 est sur le banc de sa franchise. L'ambiance est énorme dans le Celtic Park. On n'entend que les supporters des Reds. La rencontre a débuté et la domination est côté rouge. Les Bleus de City subissent les assauts des NYWA. Faitsen est sur le front de l'attaque et tout le monde n'attend qu'une chose. Qu'il confirme son exploit effectué face à l'Ernik Spurs. En est-il capable? Il faut dire qu'il semble tétanisé par le brouhaha des supporters. Cela ne l'empêche pas d'aller tenter sa chance à plusieurs reprises face au gardien de KAM. Ce portier est une vieille connaissance. Il est russe et a quitté le pays après le dernier mondial. C'était ce même gardien qu'il avait rencontré lors de la confrontation entre la France et la Russie. C'est ce même gardien qui avait agressé, délibérément, l'attaquant français. Quelques minutes plus tard, il avait effectué l'une des plus grosses bourdes dans l'histoire de la Coupe du Monde. Comment vont se passer les retrouvailles? Faitsen est lancé par un de ses coéquipiers, il court et stoppe sa course, sûrement apeuré par l'arrivée du gardien, point en avant. Les frais dentaires ont été onéreux, mais c'est surtout psychologiquement que le Français est traumatisé. Si la personne qui le traque était ce gardien, si celui-ci ne veut qu'une chose, détruire celui qui a anéanti sa réputation en Russie. Alors qu'un corner est tiré, le gardien de but glisse à l'oreille de Faitsen dans un français impeccable. « Je vais terminer le boulot !» La reprise de la tête suite à ce corner est passée au-dessus de la barre. Juste avant la mi-temps, Faitsen dribble 3 défenseurs et se retrouve face à son pire ennemi. Il le crochette, mais le portier attrape les jambes de l'attaquant. L'arbitre désigne le point de pénalty. Il sort juste un carton jaune, mais c'est Faitsen qui va devoir se venger, car il tirera ce coup de pied arrêté. Glacé par la pression, Fightson est pris d'un mini malaise. Il s'écroule sur le terrain. Alors qu'il essaye de reprendre ses esprits au bord de la pelouse, un chant semble venir de la quasi-totalité des 100 000 spectateurs. C'est l'hymne de la franchise des YNWA Reds, la chanson qui illustre son histoire avec le maillot rouge. « You'll never walk alone ». Il se relève et retourne sur la pelouse. Il va chercher le ballon et peut reprendre sa place pour tirer le pénalty après ce long arrêt de jeu. Fightson ne marche pas seul, surtout face à son pire ennemi. Chapitre 64. Le revers de la médaille. La pression est extraordinaire. Fightson va tirer un pénalty face à un gardien rempli de haine. La haine, le Français n'en a aucune, il a juste de la rancœur. L'attaquant s'élance sous un silence de cathédrale, puis exulte avec le public pour fêter son but. Le gardien russe peut aller chercher le ballon au fond des filets et regarder le joueur français danser. C'est à ce moment que l'arbitre décide de siffler la mi-temps. Les YNWA Reds mènent 1-0 avec une transformation de leur nouveau buteur, Fightson. Le Français est devenu la coqueluche du public. Il a une histoire, une mentalité, et surtout il marque des buts incroyables. Il a évolué en nouvelle star de la Japan Master League. Au retour de la mi-temps, le stade entonne son hymne et on peut voir que le brassard Reds a changé de bras. Fightson est le nouveau capitaine des YNWA. Mais la pression est encore plus grande. N'est-ce pas trop pour lui? Il faut croire que oui, car la seconde période de l'attaquant est médiocre. Il est brouillon, n'arrive plus à contrôler ses ballons et ne cadre plus aucune frappe. L'euphorie est descendue et Fightson empoche des malus. Il est proche de la sortie. À un quart d'heure de la fin, Fightson perd un ballon dans la surface adverse. Ceci entraîne une énorme contre-attaque. Celle-ci est convertie par le KM City par l'égalisation. Les deux équipes sont à égalité. Tout est à refaire. Fightson est fautif et il le sait. Il veut tout faire pour effacer l'affront. Son niveau de jeu remonte, mais cela n'est pas assez. Il reste 30 secondes et tous les joueurs des Reds demandent à Fightson de dégager le ballon en touche. Il s'exécute. Pourquoi ? Car les abonnés VIP ont pris une décision stratégique. Brillant durant sa séance de détection en tant que gardien de but lors des tirs au but américains, Totov 76 a obtenu la confiance du public. Il entre pour pouvoir prendre part à la série qui départagera les deux équipes. Stratégie payante, on verra ça. Mais Totov 76 n'est pas chaud. Il fait ses grands débuts sous le maillot Reds et a déjà une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Soit il illumine cette séance et donne la victoire à son équipe, soit il se troue et terminera son contrat avec l'équipe réserve. Le peuple rouge compte sur lui, tout le monde compte sur les deux Français pour marquer et pour stopper les tirs mancuniens. Totov 76 touche la barre, ses deux poteaux, tel un rituel. Ce sont ces mêmes habitudes qui l'ont fait survoler les sessions de recrutement. La balle est dans son camp. Totov 76 doit montrer que Fightson n'est pas la seule star parmi les rookies. Il veut y croire. Il veut faire rêver le peuple rouge. Le premier joueur manuchéen est prêt à s'élancer. Totov 76 est chaud. Chapitre 65. Il peut être un héros. L'attaquant du KM City tape dans le ballon et peut effectuer son enjambé. Il se retrouve face à Totov 76. Il tente un crochet, le portier le suit, mais glisse le ballon entre les jambes du Français. Ça part au fond des filets. Alors que Totov 76 était chaud, il est refroidi dès le premier tir. Le premier tireur liverpoolien a imité son adversaire en égalisant. On passe donc au deuxième mancunien. Totov ne veut pas essuyer un deuxième échec. Il s'avance petit à petit vers le joueur du KAM City et tente un tacle glissé. Il se rate totalement et ne peut pas empêcher le but. L'égalisation des Reds arrive juste derrière. Même si le score n'est pas en défaveur des YNWA Reds, on ne peut pas féliciter Totov 76. Le gardien va vouloir se rattraper pour la troisième tentative, mais il ne peut rien non plus. Pour une entrée en matière héroïque, Totov 76 s'est totalement raté. Alors qu'il devait prouver qu'il doit être titulaire au sein de cette équipe, sa prestation est proche du fiasco. Un échec prolongé, car les Reds ratent leur occasion de marquer. Le KM City a l'avantage 3-2. Quatrième tentative pour le KM City et quatrième but. Totov 76 n'a pas encore touché le ballon, sauf quand il va le chercher dans ses filets. Les Reds doivent marquer pour rester dans la course. Ceux-ci se rassurent en scorant. Mais ça se corse pour les YNWA Reds. Si le joueur du KM City transforme, la victoire irait côté mancunien. Si Totov 76 doit jouer le héros, c'est le moment. Stress énorme pour le gardien. C'est parti et il reste collé à sa ligne. Le milieu mancunien tente une frappe à l'entrée de la surface. Totov quitte le sol et ne veut qu'une chose, dégager le ballon en dehors du terrain. Et il le fait, avec une sublime claquette. Grâce à lui, les Reds ne s'inclineront pas tout de suite. Le prochain tireur des YNWA est Faitson. Il doit absolument marquer. Il se retrouve à nouveau face au gardien russe. Il convertit son ballon en le longeant au fond des filets. Pour célébrer son but, il reste figé face au portier russe. Il lui glisse un petit mot à l'oreille. « Je suis toujours en vie. » La réponse est immédiate. Le russe lui indique qu'il n'a rien à faire et qu'il n'est pas à l'origine de tous ses torts. Des joueurs comme lui, il en traumatise 8 par match. On part donc sur un système de mort subite. Malheur à celui qui rate son tir. Totov doit confirmer son arrêt en reproduisant la même chose, et c'est ce qu'il fait. Mais son effort n'a servi à rien, puisque son coéquipier rate également la cible mancunienne. On en est au 7e tour. Les deux équipes sont à 4 buts. Pour la 7e tentative de la KM City, Totov arrête le cuir. Pour gagner le match, les YNWA Reds doivent marquer, et les internautes ont décidé que le tireur aura des gants aux mains. Oui, le nouveau héros, avec 3 arrêts, doit se transformer en buteur. Une scène un peu loufoque se déroule, puisqu'on voit un gardien courir, balle au pied, pour faire trembler les filets. Totov 76 ne se prend pas la tête, il tente une feinte de frappe. Celle-ci met le gardien russe dans le vent. Le Français marque son but, le but de la victoire. Les YNWA Reds battent un gros morceau et reviennent à leur hauteur au classement général. Ils sont désormais 3e, ex aequo avec eux, et ont 3 points de retard sur les deux leaders. Leur prochain match se jouera à Bilbao face à la Finosa Valencia. En rentrant au vestiaire, Faitsen voit qu'il a encore reçu des menaces pendant le match sur son téléphone. Un message. « Tu m'as confondu avec ton dentiste ?» À sa place, je n'aurais pas raté ta petite tête. Alors que le Français pensait avoir trouvé son bourreau, il s'est trompé. Son ennemi n'était pas le gardien russe.